Le père de Sainte Thérèse par Céline. La maladie et la mort de mon père. Dieu l'a éprouvé et l'a trouvé digne de lui. Il l'a essayé comme l'or dans la fournaise et l'a agréé comme un parfait holocauste. Sagesse 3, 1, 6. Le front de sa petite reine semblait pour notre père le suprême sacrifice. Elle n'en était que le début. Thérèse le remarquant, en mai 1889, elle écrivait à l'une de nous. Avant mon entrée au Carmel, notre incomparable père disait, en me donnant au bon Dieu, « Je voudrais bien avoir quelque chose de mieux à offrir au bon Dieu. » Jésus a écouté sa prière. Ce quelque chose de mieux, c'était lui-même. Sœur Marie du Sacré-Cœur note, de son côté, « Bien souvent, je m'étais demandé en pensant à papa, comment sa belle vie finira-t-elle ? J'avais le secret pressentiment qu'elle se terminerait dans la souffrance, tout en étant bien loin de me douter quelle serait cette souffrance. Mais, quand elle est venue, un jour, pendant la messe, j'en ai vu si clairement le prix que je n'aurais pas voulu l'échanger pour tous les trésors de la terre. En ce temps-là, l'histoire de Job me revenait à la mémoire. Il me semblait que c'était la sienne comme la nôtre, et que Satan, se présentant encore devant le Seigneur, lui avait dit « Ce n'est pas étonnant si votre serviteur vous loue, vous le comblez de bien. Frappez-le donc dans sa propre personne et vous verrez s'il ne maudira pas votre nom. » Mais le nom du Seigneur ne fut pas maudit. Il fut, au contraire, toujours béni au milieu des épreuves les plus cuisantes. Il est bon, en commençant ce récit, de rappeler la vision qu'eut Thérèse dans son enfance. Elle contemple dans le lointain notre Père en sa grande épreuve, semblable au saint roi David, accablé d'adversité, qui passe le torrent du Cédron, gravissant en pleurant, et la tête voilée, la colline des Oliviers. 2 Samuel 15, 23, 30. Voici comment Pauline, témoin de son émotion, en a parlé au procès apostolique. Elle pouvait avoir 7 ans environ. Mon père était à Alençon depuis plusieurs jours et nous étions, ma sœur Marie et moi, dans une des deux mansardes dont les fenêtres ouvrent sur le jardin, derrière la maison des Buissonnet. La petite Thérèse regardait joyeusement le jardin par la fenêtre de la chambre voisine. C'était en été, le soleil brillait, il pouvait être 2 ou 3 heures après-midi. Tout à coup, nous entendîmes notre petite sœur appeler d'une voix angoissée, « Papa, papa !» Marie, saisie de frayeur, lui dit, « Pourquoi donc appelles-tu ainsi papa ? Tu sais bien qu'il est à Alençon ?» Elle nous raconta alors qu'elle avait vu dans l'allée, au fond du jardin, un homme vêtu absolument comme papa, de la même taille et de la même démarche, mais il avait la tête couverte et marchait tout courbé comme un vieillard. Elle ajouta que cet homme avait disparu derrière le bouquet d'arbres qui se trouvait non loin de là. Aussitôt nous descendîmes au jardin, mais n'ayant pas trouvé le mystérieux personnage, nous essayâmes vainement de persuader à Thérèse qu'elle n'avait rien vu. Plus tard, au Carmel, quelques années, après la mort de notre père, Sœur Marie du Sacré-Cœur et Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, se trouvant ensemble d'un jour de licence, se rappelèrent cette vision et comprirent tout à coup ce qu'elle signifiait. Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus l'explique dans sa vie. Il y a ici une légère erreur. En fait, cette conversation eut lieu quelques mois après la mort de notre Père. Je rapporte ici les paroles mêmes de la Sainte dans son manuscrit. C'était bien papa que j'avais vu s'avançant, courbé par l'âge, c'était bien lui, portant sur son visage vénérable, sur sa tête blanchie, le signe de sa glorieuse épreuve. Comme la face adorable de Jésus fut voilée pendant sa passion, ainsi la face de son fidèle serviteur devait être voilée au jour de ses douleurs, afin de pouvoir rayonner dans la céleste patrie auprès de son Seigneur, le Verbe éternel. C'est du sein de la gloire que notre Père chéri nous a obtenu cette douce consolation de comprendre que, 10 ans avant notre épreuve, le bon Dieu nous la montrait déjà,